Charles-Augustin, Sainte-Beuve. Le creux de la vallée. La solitude est mauvaise à celui qui n'y vit pas avec Dieu. Chateaubriand, René. Au fond du bois, à gauche, il est une vallée, longue, étroite, alentour de peupliers voilés, loin des sentiers battus, à peine du chasseur connu et du berger. L'herbe, en son épaisseur, n'agite sous vos pas couleuvre ni vipère. À toute heure, au mois d'août, un zéphyr y tempère, à l'ombre des rameaux, les cuisantes chaleurs, qui sèchent le gazon et font mourir les fleurs. Mais vers le bas, surtout, dans le creux, où la source se repose et sommeille un moment dans sa course, et par places scintille en humides vitraux, où murmure invisible à travers les sureaux, que le vallon est frais. L'alouette y vient boire, la sarcelle y baigner sa plume grise et noire, la poule d'eau s'y pendre au branchage mouvant. En me promenant là, je me suis dit souvent, pour qui veut se noyer, la place est bien choisie. On n'aurait qu'à venir, un jour de fantaisie, à cacher ses habits au pied de ce bouleau, et, comme pour un bain, à descendre dans l'eau, non pas en furieux, la tête la première, mais s'asseoir, regarder. D'un rayon de lumière, dans le feuillage et l'eau, suivre le long reflet. Puis, quand on sentirait ses esprits au complet, qu'on aurait froid, alors, sans plus traîner la fête, pour ne plus la lever, plonger avant la tête. C'est là mon plus doux vœu, quand je pense à mourir. J'ai toujours été seul, à pleurer, à souffrir. Sans un cœur près du mien, j'ai passé sur la terre. Ainsi que j'ai vécu, mourons avec mystère, sans fracas, sans clameur, sans voisins assemblés. L'alouette, en mourant, se cache dans les blés. Le rossignol, qui sent défaillir son ramage, et la bise arrivée et tombée son plumage, passe, invisible à tous, comme un écho du bois. Ainsi je veux passer. Seulement, un, deux mois, peut-être un an après, un jour, une soirée, quelque pâtre inquiet d'une chèvre égarée, un chasseur descendu vers la source, et voyant son chien qui s'y lançait sortir en aboyant, regardera. La lune avec lui qui regarde éclairera ce corps d'une lueur blafarde. Et soudain il fuira jusqu'au hameau, tout droit. De grand matin venu, quelques gens de l'endroit, tirant par les cheveux ce corps méconnaissable, cette chair en lambeaux, ces os chargés de sable, mêlant des quolibets à quelques sots récits, deviseront longtemps sur mes restes noircis, et les brouetteront enfin au cimetière. Vite on clouera le tout dans quelque vieille bière qu'un prêtre aspergera d'eau bénite trois fois, et je serai laissé sans nom, sans croix de bois. Et durant ces beaux plans d'un bonheur que j'espère, que devient, croyez-vous, et l'herbe sans vipère, et le zéphyr, et l'onde aux mobiles vitraux, et l'abeille qui chante et picore aux sureaux, et, de longs peupliers tout alentour voilés, à gauche, au fond du bois, la tranquille vallée. Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme, 1829.